T'es joué, toi, très gros dans les médias. Puis, c'est leur choix. Je vais vous en parler un peu. Il y a des soldats de Valcartier, donc de chez nous, qui seront sanctionnés assez sévèrement, on va en parler, pour des propos haineux tenus envers les carrés rouges. Ça s'est passé sur la toile. Tu sais, petite leçon, les boys. Là. Ce qui se passe à la toile, sur le web, c'est comme si vous le disiez à la radio, là, en public. Moi, j'ai l'impression que les gars se pensaient un peu en privé. Entre les autres, hein? Ben non. Et évidemment, c'est indéfendable comme propos. Je passerais même pas, gars, ils n'ont pas d'affaire à dire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leurs sanctions. Parce que là, ils vont faire affaire avec... ils ont un procès, hein, puis devant des tribunaux militaires. Et j'ai demandé à Jeff Gilbert, pour le fun, là, enquête sur les sanctions possibles de nos soldats de Valcartier pour des propos déplacés par rapport à ceux qui ont vraiment fait de la casse dans la rue, là. OK, c'est pas correct, les propos, mais on va vous les lire. Puis ça peut inquiéter, intimider du monde. Mais il y a quand même des gens cagoulés, qui sont promenés partout, qui ont barré des ponts, qui ont lancé des roches, qui ont fait péter des affaires. Ça a brassé sale à Montréal, là. Pendant des jours et des jours et des jours. Juste faire une petite comparaison. Mon hypothèse, vous la devinez? Tout d'un coup que les soldats vont être sanctionnés plus sévèrement. Ça se pourrait-tu? Non, hein? D'abord, ce qu'ils ont dit, là, regarde, y a rien de brillant là-dedans. Ouais, allez donc manifester à Auschwitz dans les petites chambres spéciales, bande de connards. On va les réouvrir juste pour vous. Il y a une fille qui a été blessée, là, à l'Université Laval. Alors, on a dit d'elle, bien fait pour cette connasse. Only the strong survive. Les petits communistes trop fifi, vous manifestez, ben, assumez. Il faudra un système national socialiste pour envoyer au camp de concentration les faibles. Bon, ouais, c'est pas fort. Ça, c'était surtout ça, là. Pas fort. Mais non, c'est pas... pas grandiose. De la part de militaires, de soldats, on sait dans l'armée, puis attention, là, il y en a 3-4, là, OK? Alors, faut pas généraliser. C'est pas les la majorité civils, de nos soldats se sont bien comportés, mais il y en a, regarde, 3-4 têtes brûlées là-dedans. Ah, il faut juste expliquer, là. Leurs propos, je défends pas, là, mais il faut savoir que ça fait suite au vandalisme qui a été commis sur des monuments rendant hommage aux morts militaires. Parce que les carrés rouges s'en sont pris au monument pour rendre hommage aux soldats tombés au combat. Ils ont été jusque-là. En souvenez-vous? Non? Peut-être pas. Les médias n'ont pas parlé. Mais nous autres, oui, ici. Bon. Ça justifie en rien. Moi, je pense qu'ils vont être quand même reconnus coupables parce que faut que tu te contrôles. T'es un soldat. T'es pas supposé faire des erreurs comme ça. Mais, Jeff, ben, il s'expose à quoi comme sanction? Et si, pour le fun, on les comparait à ceux qui ont vraiment fait de la casse, là, physiquement parlant, dans les rues? Minimalement, c'est 25% de leur solde, donc de leur salaire mensuel, qui pourrait y passer comme amende à l'armée canadienne en réprimande des mauvais mots qu'ils ont eus sur la toile, donc sur Facebook pour la plupart d'entre eux. C'est le quart de leur salaire une fois dans l'année. Pendant ce mois-là, s'ils sont reconnus coupables, le juge du tribunal militaire peut dire, on va prendre 25% de ta paye, puis on va la retenir, puis ça va être ta punition. OK? Ça gagne combien, militaire? Tu regardais ça d'après les barèmes de l'armée canadienne. Puis j'ai trouvé, évidemment, c'est assez facile à trouver là, sur le site internet du ministère de la Défense nationale. Les nouveaux tarifs mensuels en dollars constants, évidemment, depuis mars 2012, de la différence des gradés. C'est compliqué là, parce qu'il y en a qui sont en mission, d'autres pas, etc. Mais on va y aller basic. Allons-y en général. Basic, là. Le salaire minimum dans l'armée canadienne pour un soldat, un militaire durant qui vient d'arriver, qui vient de signer son contrat, c'est 2 751 $ par mois. 25% de ça, c'est 688 $ d'amende. Juste te rappeler une chose, c'est que la majorité, pas la majorité, toutes les amendes qui ont été données depuis le début du conflit étudiant ont été pour la somme de 496 $. Donc, moins élevé jusqu'à maintenant parce que il n'y a pas une autorité policière qui a appliqué la loi 12 ou la loi 78 qui mentionne que les amendes pourraient aller de 1 000 à 5 000 $ pour avoir participé à une manifestation illégale. Donc le gars ou la fille, parce qu'il y avait énormément de filles, s'en va à une manif avec un sac plein de roches qui en lance dans des fenêtres, qui cause des bris. On vous rappelle que c'est juste à Québec, c'est 1 000 000. La crise étudiante en matière d'effectifs policiers et de temps supplémentaire, à Québec, c'est 1 000 000. À Montréal, ils sont rendus à des dizaines de millions. Oui, alors, ils ont fait de la merde à tous les jours dans les rues. À Montréal, ils ont une compensation de 15 millions du gouvernement du Québec récemment, justement pour les aider à payer les ces affaires. Alors, 496 pour les casseurs gauchistes dans les rues, alors que nos militaires à Valcartier qui ont tenu des propos déplacés, indéfendables, mais c'est verbal, là, c'est pas physique, vont avoir des amendes plus sévères. On parle en termes d'amendes. C'est sûr qu'il y a des casseurs qui sont sont devant les tribunaux parce qu'ils ont pété des vitrines. Eux autres, les sentences rendues par les tribunaux l'ont pas encore été. On verra, mais en termes d'amende, là, la police qu'ils ont eu, c'est 496$. Ils auraient dû recevoir entre 1000 et 5000$, dépendant du niveau de gravité de leur participation à une manifestation déclarée illégale. Ça, c'est le minimum, mais on peut aller au maximum. Moi, j'ai pris les trois niveaux dans l'armée, là, je veux pas être condescendant, les trois niveaux les plus bas, là, c'est-à-dire le niveau de soldat, le niveau de caporal et le niveau de sergent. Un sergent, par exemple, dans l'armée canadienne, qui gagne à peu près quoi, 5000, 6000$ par mois, pourrait se voir attribuer une amende de 1635$ pour avoir eu des mauvais mots sur la toile, sur Facebook, alors que les étudiants qui ont participé à ces manifestations-là n'ont eu, je le rappelle encore une fois, qu'une amende de 496$. Mais savez-vous quoi, là? Ça fait cher la parole. Je veux pas, là, garde, sincèrement, ces soldats-là, ils méritent ces amendes-là. Oui. Je suis sûr que tous les soldats... C'est les manifestants qui auraient dû avoir leur peine. C'est en plein ça, Josée. C'est en plein ça. Tu sais, je suis sûr que les soldats de Valcartier, regarde, 99,9% ont pas fait ça. Même eux sont peut-être d'accord. Regarde, les gars, c'est pas bon pour l'image de l'armée. Notre image, on est fiers, on est des soldats fiers. Vous l'avez échappé, payez. Regarde, payez pour. C'est tout. Moi, je suis tout le temps en faveur des sentences sévères. Je défendrai pas ces gens-là. Les propos sont à Auschwitz puis les chambres à gaz. Regarde, ça se fait pas. D'un autre côté, c'est ça l'affaire. Le ridicule qu'on vous met en évidence, c'est les étudiants gauchistes qui ont eu des sentences bonbons à répétition. Rappelle-toi, il y en a qui ont été relâchés 2-3 fois. Ils ramassaient dans les rues quasiment tous les soirs. Rappelez-vous Victoriaville, qu'est-ce qui s'était passé? Rappelez-vous Montréal? Ben oui, c'est toujours bien plus grave que ce qui s'est passé sur la toile avec ça. Même les élèves officiers, c'est-à-dire ceux qui étudient pour devenir officiers dans l'armée canadienne, donc qui sont des étudiants au Collège militaire de Kingston, par exemple, ou à Saint-Jean-sur-Richelieu, ont une amende plus élevée que les manifestants parce que le minimum d'amende qu'ils pourraient avoir s'il y a des élèves officiers qui ont participé à ces affaires-là, c'est 694$. C'est 200$ de plus que le maximum que les manifestants ont reçu pendant merci, les... Jeff. C'est très drôle. Beaucoup. En passant... Non, je trouve pas ça drôle. Non, je sais. Non, mais...